À l'occasion du 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, le rassemblement de souvenirs et la séance de films ont eu lieu le 4 courant en Chine et le séminaire conjoint et l'exposition de photos et de livres et la séance de films le 8 courant au Népal. Dans la salle d'exposition étaient exhibés les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Y étaient également présentées des photos qui montrent les exploits immortels du président, du général et du dirigeant suprême Kim Jong-un, des œuvres classiques des grands hommes Paektusan et des livres et des photos des militaires et civils coréens qui créent l'apogée dans l'édification d'une puissance socialiste. Aux séances de films, on a projeté les documentaires coréens comme « Le drapeau du Parti du Travail de Corée » et « Les confettis de feu de la grande puissance prospère ». Y ont pris part des cadres de l'Association de liaison pour l'amitié internationale de Chine, des familles chinoises liées à la guerre anti-japonaise, des vétérans de l'armée des volontaires du peuple chinois et leurs enfants, et des personnalités de partis politiques, de formations sociales, de la presse parlée et écrite, et de l'organisation d'études des Ejujutsu, comme le Parti communiste népalais marxiste-léniniste et l'Organisation pour la solidarité des peuples afro-asiatiques du Népal et autres habitants.